Bonjour mes chers amis, je viens rapidement vous laisser un mot sur ce qui se passe au Congo. C'est une pure vraie distraction. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas eu soupçon de coup d'État. Ce qui se passe, c'est juste Félix et sa famille veulent se débarrasser na batu nyonso bazalaki na deal. C'est-à-dire que tous les témoins ya deal balingi ba se débarrasser na bango. Vous allez voir les bandits armés, soi-disant ba bandits armés bakobomaka bund. Vous allez voir batu nyonso bazalaki na deal. Soit bakoza en exil, soit bakobo mabango. Et juste pour isoler Kabila za la Yemoko, et par la suite, bakomeka ko se débarrasser na Kabila. Donc, il n'y a pas de coup d'État. Et zali kaka, vous savez, na ebisaka bino, boyo ke la ka biso, na ebisaka bino. Ba milouvor, ba respectaka jamais deal. Et zala deal politique. Eza la deal ya business, eza la deal nyoso ko sala na milouvor. Zala na keba keba, ba respectaka deal jamais. Boye bisanga deal nini et tu sais que de a respecté. Mokote, Félix Banda Bandi, combien de deal? Est-ce qu'a si a respecté ta moko? Boyo ke la kabiso. Donc, boza la distraite, froui ya solo eza li koya. Fruit solo ezali koya chipoi. Merci.